Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, en Corée du Sud, l'action populaire extraordinaire pour le retrait du pouvoir Park Geun-hye a tenu le 20 à Séoul une conférence de presse pour proclamer la 23e action pan-nationale qui aura lieu le 29 avril pour arrêter les agissements de ceux qui sont auteurs des abus des affaires d'État et liquider les vices sociaux.